show oh. Nouveau flow bad boy, c'est pour les cowboys. Elle est sous la gomme, ça sort les gommes-gommes. Pour de l'euro, ça pom-pom. Dans ma C-boy, microphone, one oh. J'ai les croches de mes cas, oh. C'est champ-champ, pour de l'euro, ça con-con. Ça chante personne, ne cogne aussi fort que Tyson. Rien de zéro, microphone, balèze comme Michael Jackson. J'ai une tonne de flow bad show, sont les fachos. Dédicace au frérot car show, ne mange pas de plat show. Car j'ai show, veille des piquets, j'aime faire faire des gros gals, scène sur niquée. Sur scène, allumer des briquets, appareil filmé, moi des queues, mais ouais, ouais, ouais, appareil photo. Poto clic clic sur le mec du ghetto, gré de zo au micro, oh. Bob Shop, oh, nouveau flow, bad boy, c'est pour les cowboys. NSO, la com, ça sort les gommes-gommes. Pour de l'euro, ça pom-pom. Dans ma C-Boy, capital, bad boys. Bob Shop, oh, nouveau flow, bad boy, c'est pour les cowboys. NSO, la com, ça sort les gommes-gommes. Pour de l'euro, ça pom-pom. Dans ma C-Boy, capital, bad boys. Je suis là, la la la, levez les bras. Dédicace BK, Afrika, Boula, Z. On représente, département Z, Z depuis notre jeunesse, on traite de rat, laisse le ramassage d'or, Dieu me paye. Pas de belles voitures, Mercedes, bien à l'aise, ça fait du business. Pour les billets, habillés, capuche, casquette, du graveur de plaquettes. Veux des pépettes pour s'acheter un Q7. J'aime les grosses fesses de princesse française. Rompe mal les galsins, mon quartier, ça scène. Pour une affaire de billets verts, ça bang bang, bang, bang, 9 mm, n'essaie pas de me la mettre. Balai, que tu fasses 2 mètres, ici y'a pas de mètre. Ni de boss, que des gosses, gosses, beaux gosses, sont de grosses, grosses, beaux l'eau, si tu manques de respect, c'est contre cross. Bob Shop, oh, nouveau flow, bad boy, c'est pour les cowboys. NSO, la com, ça sort les gommes-gommes. Pour de l'euro, ça pom-pom. Dans ma C-Boy, capital, bad boys. Bob Shop, oh, nouveau flow, bad boy, c'est pour les cowboys. NSO, la com, ça sort les gommes-gommes. Pour de l'euro, ça pom-pom. Dans ma C-Boy, capital, bad boys. Bête de flow, oh, les gros pour des kilos des gros. Tata pom pom, la com com, capital des bonhommes. Pas de salope, quand ça pom pom, ça galope comme des chevals. Soit sans criminal sur le journal, on est al al. Pour de l'argent illégal, ça mitraille à balle balle. Sur les pédales, on a tous la dalle. De gros dans mon ghetto, on veut de la maille comme Sarko. Pour s'acheter un merco, un starco, synchroco, africo. De remplir le frigo avec de l'euro, hey, yeah, mais c'est dur. Vu qu'on a tous un mauvais salaire, donc mes frères se mettent à braquer. Rebe Sénégal et Maliké, broliqué pour tout niquer. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Rebe Sénégal et Maliké, broliqué pour tout niquer, hey. Bob Shop, oh, nouveau flow, bad boy, c'est pour les cowboys. NSO, la com, ça sort les gommes-gommes. Pour de l'euro, ça pom-pom. Dans ma C-Boy, capital, bad boys. Bob Shop, oh, nouveau flow, bad boy, c'est pour les cowboys. NSO, la com, ça sort les gommes-gommes. Pour de l'euro, ça pom-pom. Dans ma C-Boy, capital, bad boys. Beat you in, putain.